Josué chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, et les Gadites, et la demi-tribu de Manassé. Et leur dit, vous avez gardé tout ce que Moïse serviteur de l'Éternel vous avait commandé, et vous avez obéi à ma parole, en tout ce que je vous ai commandé. Vous n'avez pas abandonné vos frères, quoi qu'il y ait longtemps que vous êtes avec eux, jusqu'à ce jour, mais vous avez pris garde à observer le commandement de l'Éternel votre Dieu. Or maintenant l'Éternel votre Dieu, a donné du repos à vos frères, selon qu'il leur en avait parlé. Maintenant donc retournez, et allez-vous-en dans vos demeures, en la terre de votre possession, laquelle Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donnée au-delà du Jourdain. Prenez seulement bien garde de faire le commandement de la loi que Moïse serviteur de l'Éternel vous a prescrite, qui est, que vous aimiez l'Éternel votre Dieu, et que vous marchiez dans toutes ses voies, et que vous gardiez ses commandements, et que vous vous attachiez à lui, et le serviez de tout votre cœur et de toute votre âme. Puis Josué les bénit, et les renvoya, et ils s'en allèrent en leur demeure. Or Moïse avait donné à la moitié de la tribu de Manassé son héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié son héritage avec leurs frères au-dessus du Jourdain vers l'Occident. Au reste, Josué les renvoyant en leur demeure, et les bénissant, leur parla, en disant, « Vous retournez en vos demeures avec de grandes richesses, et avec une fort grande quantité de bétail, avec argent, or, airain, fer, et vêtements, en fort grande abondance, partagez le butin de vos ennemis avec vos frères. » Ainsi donc les enfants de Ruban, et les enfants de Gad, et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, et partirent de Silo, qui est au pays de Canaan, d'avec les enfants d'Israël, pour s'en aller au pays de Galaad, en la terre de leur possession, de laquelle on les avait fait jouir, suivant ce que l'Éternel avait commandé par le moyen de Moïse. Or ils vinrent aux limites du Jourdain, qui était au pays de Canaan, et les enfants de Ruban, et les enfants de Gad, et la demi-tribu de Manassé bâtirent là un autel, joignant le Jourdain, qui était un autel de grande apparence. Et les enfants d'Israël ouïrent dire, voilà, les enfants de Ruban, et les enfants de Gad, et la demi-tribu de Manassé, ont bâti un autel regardant vers le pays de Canaan, sur les limites du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Les enfants donc d'Israël entendirent cela, et toute l'assemblée des enfants d'Israël s'assembla à Silo, pour monter en bataille contre eux. Cependant les enfants d'Israël envoyèrent vers les enfants de Ruban, et vers les enfants de Gad, et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et avec lui 10 seigneurs, savoir un seigneur de chaque maison des pères de toutes les tribus d'Israël, car il y avait dans tous les milliers d'Israël, un chef de chaque maison de leur père. Ceux-ci donc vinrent vers les enfants de Ruban et vers les enfants de Gad, et vers la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et leur parlèrent, en disant, ainsi a dit toute l'assemblée de l'Éternel, quel est ce crime que vous avez commis contre le Dieu d'Israël, vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel, pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Nous fût-ce peu de chose que l'iniquité de Péor, de laquelle nous ne nous sommes pas encore bien nettoyés jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'il en soit venu une plaie sur l'assemblée de l'Éternel? Que vous vous détourniez aujourd'hui de l'Éternel, et que vous vous révoltiez aujourd'hui contre l'Éternel, afin que demain sa colère s'allume contre toute l'assemblée d'Israël? Toutefois si la terre de votre possession est souillée, passez en la terre de la possession de l'Éternel, dans laquelle est placé le pavillon de l'Éternel, et ayez votre possession parmi nous, et ne vous révoltez point contre l'Éternel, et ne soyez point rebelles contre nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Achan, fils de Zara, ne commit-il pas un crime en prenant de l'interdit, et la colère de l'Éternel, ne s'alluma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël, et cependant cet homme ne mourut pas seul pour son iniquité. Mais les enfants de Ruban, et les enfants de Gad, et la demi-tribu de Manassé répondirent, et dirent au chef des milliers d'Israël, le fort, le Dieu, l'Éternel, le fort, le Dieu, l'Éternel, c'est lui-même, et Israël lui-même connaîtra si c'est par révolte, et si c'est pour commettre un crime contre l'Éternel, en ce cas-là ne nous protège point aujourd'hui. Si nous nous sommes bâti un autel pour nous détourner de l'Éternel, et si ça a été pour y offrir holocauste, ou gâteau, ou si ça a été pour y faire des sacrifices de prospérité, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Et si plutôt nous ne l'avons pas fait, pour crainte de ceci, savoir que vos enfants pourraient un jour parler ainsi à nos enfants, et leur dire, qu'avez-vous à faire avec l'Éternel le Dieu d'Israël? Puisque l'Éternel a mis le Jourdain pour borne entre nous et vous, enfants de Ruban, et enfants de Gad, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et ainsi vos enfants feraient qu'un jour, nos enfants cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, mettons-nous maintenant à bâtir un autel, non pour holocauste, ni pour sacrifice, mais afin qu'il serve de témoignage entre nous et vous, et entre nos générations après nous, pour faire le service de l'Éternel devant lui en nos holocaustes et nos sacrifices, et en nos sacrifices de prospérité, et afin qu'à l'avenir vos enfants ne disent point à nos enfants, vous n'avez point de part à l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, lorsqu'ils nous tiendront ce discours, ou à nos générations à l'avenir, nous leur dirons, voyez la ressemblance de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour holocauste, ni pour sacrifice, mais afin qu'il soit témoin entre nous et vous. À Dieu ne plaise que nous nous révoltions contre l'Éternel, et que nous nous détournions aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour l'holocauste, pour le gâteau, et pour le sacrifice, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu, qui est devant son pavillon. Or après que finit le sacrificateur, et les principaux de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que les enfants de Ruban, et les enfants de Gad, et les enfants de Manassé leur dirent, ils furent satisfaits. Et Finé, fils d'Éléazar, le sacrificateur dit aux enfants de Ruban, et aux enfants de Gad, et aux enfants de Manassé, nous connaissons aujourd'hui que l'Éternel est parmi nous, puisque vous n'avez point commis ce crime contre l'Éternel, car dès lors vous avez délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Ainsi Finé, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et ses seigneurs-là, s'en retournèrent d'avec les enfants de Ruban, et d'avec les enfants de Gad, du pays de Gala au pays de Canaan, vers les enfants d'Israël, et leur rapportèrent le fait. Et la chose plut aux enfants d'Israël, et les enfants d'Israël en bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en bataille contre eux pour ruiner le pays où habitaient les enfants de Ruban, et les enfants de Gad. Et les enfants de Ruban, et les enfants de Gad appelèrent l'autel, Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est le Dieu.